par DJ K sur Skyrock. Ok, pampona. Pampona, pampona, ça me dégoule, arrête, arrête. Pampona, pampona, ça me dégoule, arrête, arrête. Maman, money, money, you here. Liberty, it's big, here. Liberty, it's big. Willet, c'est où c'est plus loin, ou roua. Nashat, farhan, ou roua. Nashat, farhan. Neri, willi, la, neri, willi, la, neri, willi, la. Pia. Heavy, heavy, heavy, heavy. Well, j'avais deux tigres pleines mailles. Oui, c'est ailleurs, jamais à l'heure. J'évite les gens qui peuvent souhaiter le malheur. On fera jamais les macs. J'suis venu pour péter les bacs. J'fais du rap pendant que partout ça braque en banque. Faut des gros sacs pour le compte en banque. Connexion DJ Case, faut qu'on l'entende. Mes potes et moi, on veut voir la vie en grand. J'suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche encore. Quartier chic, oseille, à ta glace, c'est la ville. Haouss bik fi Dubaï, c'est sûr, Ali Ben Haï. Quartier chic, oseille, à ta glace, c'est la ville. صواري نديرو لافيت البنات راهو شيعت لابيستو نار قدات نمشي نشوف لاجت سيت صواري نديرو لافيت البنات راهو شيعت لابيستو نار قدات C'est DJ Kaze au contrôle comme chaque dimanche soir pour Rise Suprême. Et puis c'est non seulement le dimanche, mais c'est un peu partout dans toute la France avec DJ Kaze. Un petit peu partout, oui, effectivement. Alors moi je suis vendredi 21 novembre, donc du côté de Reims, au Palladium. Le samedi 22, donc j'ai deux soirées, à Rouen, voilà, pour commencer. C'est bien. Et en seconde partie, au Palm Discothèque, c'est à Boif, dans 78. Le 28 novembre, c'est du côté de Bayonne. Et le samedi 29 novembre, à Toulouse. Donc, on va dans le sud-ouest pour terminer. Tu seras où à Toulouse? Oui. Tu seras où? À Toulouse, ouais, je suis à l'Entracte Club. L'Entracte Club, oui, direction Toulouse le 31 L'Entracte. Pour aller voir DJ Kaze. On va revenir dans quelques minutes, Kaze. Oui, bien sûr. Tu es prêt? Oui, toujours chaud. Et ben, le retour dans un instant, toujours chaud. Kaze au platine, c'est après ça. Suprême en direct sur Skyrock. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh moi je veux voir les

soir, DJ Kaste mix tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. No, she ain't talking about where she go. Just trying to enthuse about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel the beat. Hustle people, they gon' beat you 'cause I try to alleviate you. What will elevate you is it? So keep back, meditate the feel. Plus lourd que les généraux. Transgarde, ouais, pour toi je suis ta femme, frère, et jusqu'à صلى فانا نسم دوز Let's go. I'm واموت بهواك هلا هلا هلا دي جي كيز قلبي عشانك تحمل تحمل جفا هلا هلا هلا احبك واودك واموت واموت بهواك هلا هلا هلا قلبي عشانك تحمل تحمل جفا هلا هلا هلا ليالي تعدي بدون الحبيب وكم يا حياتي اشتقت اللقاك C'est déjà la fin de ce Rail Suprême avec DJ Kayz au contrôle. Comme d'hab, ça passe toujours vite. Bon, quelques dates à retenir, c'est évidemment tes soirées. Bien sûr, alors ce week-end, moi, le vendredi 21, je suis du côté de Reims au Palladium et le samedi 22 en première partie à Rouen et en seconde partie au Palm Discothèque dans le 78. Dans le parfait. Voilà. En même temps, si vous êtes dans les deux soirées, c'est bien. Vous pouvez faire, c'est à côté, en fait, c'est là à 13, donc c'est à 40-45 minutes. Par contre, si ça picole un peu, allez-y, restez dans un des deux endroits tranquille. Ouais, hein. Celui qui conduit, celui qui boit pas. Voilà, ouais, ou alors c'est ça, oui, il y a un Sam avec vous. Parce que les soirées de DJ K, ils sont toujours très. Un Sam, ouais. Ils sont toujours. Très. Ils viennent. Elles sont très. C'est ça, ils sont très. Bon, merci Kayz pour cette soirée. On rappelle que toi, il y a une sortie aussi importante au mois de décembre, la réédition. Au mois de décembre, c'est ça, réédition de Paris en New York, donc avec un titre qu'on a pu découvrir dimanche dernier. Et qu'on a passé ce soir. C'est ça. Et on revient la semaine prochaine ? Ouais, on revient la semaine prochaine. À pas louper le retour de Rail Suprême. Ciao Kayz. Et dès la semaine prochaine, je tenais à signaler qu'il y avait un invité surprise avec nous, un sportif. Donc, ah ? Ah ! Donc très soyez bien. Branchés. Et ben rencard la semaine prochaine avec DJ Kayz et son sportif, son coach sportif. Ce sera des cours entre minuit et 1h du matin. Dans un indice, il y aura des gants. Oh, bah, voilà, on va pas rigoler sérieusement. On va y aller calme. Et on revient donc dimanche prochain et là c'est reparti pour une nouvelle heure de son sur Skyrock. Ciao, ciao, ciao.